true? Or is it something worse that sends me down? Vous écoutez Radio Web Passion. Vous écoutez Radio Web Passion, bien sûr, toujours Fabien au micro d'Only Rock. Et allez, je fais une petite dédicace tout de suite. On commence l'émission comme ça avec l'animateur de Balance ton blues le lundi de 21h à 23h et de Le Temps Libre le vendredi 14h-16h. J'ai bien sûr nommé le grand, le fantastique, le majestueux JP, bien sûr, que je remercie pour ses conseils toujours très précieux. Alors pour toi, JP, on part du côté de la Bretagne avec un groupe qui est passé dans la région et qui, j'espère, repassera bientôt. C'est Merzine. Et juste après, un des plus grands groupes de rock français, No One Is Innocent, tout de suite. Donc, Futur, suivi de Doberman, tout de suite. C'est dans Only Rock. Le cet avenir sans concession, une vaste voie du devenir. Soit cet homme à profusion, une autre idée de toi s'est mise en chemin. Laisse-la te séduire, mets-toi au parfum. Les horizons s'ouvrent au délire, nos regards se portent loin. Je carbure à la joie, je joue les cartes qui s'offrent à moi. Chaque couverture porte de sortie, sans craindre le goût de l'amertume. On convoit le futur, on convoit le futur. Le futur, le futur, le futur. Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio et Passion. Bien sûr, on ne pouvait pas commencer l'émission et la poursuivre avec du bon gros son bien lourd de chez nous. Bien sûr, les No One Is Innocent, c'était tout de suite dans Nirock. Et on continue bien sûr notre chemin après ça. Écoutez partout votre radio sur les applis Android, iPhone. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Allez, on part du côté des années 1980, précisément en 1981, où deux messieurs ont œuvré ensemble, ont écrit un petit bout de texte qu'ils ont sorti en 1981. Monsieur Laurent Sinclair et Monsieur Daniel Darc ont écrit cette petite chanson que je vous propose tout de suite, Cherchez le garçon. sommeil sans rêve. La forme de son corps ne veut rien dire pour moi. Android, iPhone, Radio Web Passion. Radio Web Passion. On continue le chemin Only Rock. Et là, je vous propose un petit jeu avec deux groupes dont le nom comporte le même mot, à savoir le mot door. Donc en français, ça donne porte. Je vous propose tout de suite Two Door Cinema Club et Three Doors Down. Alors, deux groupes avec le mot porte dedans. Deux groupes, deux ambiances, deux univers différents. On va d'abord du côté de l'Angleterre avec les Two Door Cinema Club avec un petit son un peu proc, avec le titre Next Year. Et on ira du côté des États-Unis avec les Three Doors Down avec un métal vraiment alternatif un peu lourd. Donc voilà, je vous propose ce petit jeu thématique autour des portes, à savoir Two Door Cinema Club suivi de Three Doors Down. I don't know where I'm going to rest my head tonight, so I won't promise that I'll speak to you today. But if I ever find another place, a better time, for that moment I was never what I am. Take me to where you are, what you've become, and what you'll do when I am gone. I won't forget, I won't forget. Maybe someday you'll be somewhere talking to me. Maybe someday you'll be somewhere talking to me as if you knew me, saying I'll be home for next year, darling. I'll be home for next year. Maybe sometime in a long time you'll remember what I had said there. I said I'll be home for next year. Maybe someday in this life that I can't hide. Somewhere in this darkness there's a light that I can't find. Maybe it's too far away, or maybe I'm just blind. Maybe I'm just blind. So hold me when I'm here, love me when I'm wrong. Love me. Alors, qui a dit que les métalleux ne savaient pas faire des petites balades? Ah ouais, Love, aime-moi quand je pars, Love me when I'm gone, bien sûr, c'était les Three Doors Down dans Nirock. Et bien sûr, je vous prépare tout de suite, juste après ça, une petite pépite que vous devez connaître, je pense, parce que c'est un des classiques du rock. Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. Si je vous dis « Give me all your lovin', donnez-moi tout votre amour », bien sûr, c'est bien sûr les ZZ Top dans Only Rock. Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. Et on continue avec, je vous l'avais dit, quelques infos de concerts. Si vous avez envie de vous dégourdir les jambes et vous dégourdir les oreilles, et ben ça se passera ce vendredi 10 mars à l'Argonaute à Orléans avec le trio féminin She-Wolf et le trio masculin Ripon à 20h30. Et si vous y êtes, et ben on pourra se dire bonjour et on pourra trinquer ensemble parce que moi, je pense que je vais aller voir, bien sûr, les She-Wolf que j'ai découvert il y a au moins 5-6 ans et j'ai grand plaisir à aller les voir. Vendredi, si vous n'êtes pas trop en pas trop au rock, ben vous pouvez aller aussi vendredi, donc 10 mars, au garage 108 rue de Bourgogne, voir Rosa, et ça commence à 19h30 dans les soirées Béfi, Défi, avec la soirée Before, bien sûr, qui sont bien connues sur Orléans. Samedi soir, il n'y a qu'une chose à faire, c'est venir danser à la soirée dansante des années 80-90 à la salle des fêtes de Sercotte. Il y a encore de la place, alors si vous voulez réserver, je vous donne le numéro tranquillement, c'est le 06 50 84 02 15. Pas de panique, je vous le redonne si vous voulez vous inscrire pour venir danser. C'est le 06 50 84 02 15. Et puis samedi prochain, le 18 mars, à la salle des fêtes de Loury, il y a le festival Tous en scène avec deux scènes dédiées aux groupes de la région. Donc c'est bien si vous voulez supporter les groupes locaux, c'est l'occasion. Sinon, le 18 mars, vous pouvez aussi aller au Hangar à Chalette-sur-Loing, à côté de Montargis, pour le Label Trempe, un super tremplin, ce Label Trempe. Ça commence à 20h30 avec le groupe The Gig, qui nous fait du blues rock, de Next Floor, qui joueront en deuxième, avec, qui nous font eux du pop rock, Audio Personnages, qui eux aussi font du pop rock, et on terminera par le groupe orléanais Sika, qui font de l'électro-pop rock, et qu'on a pu voir notamment dans les Rockers en du cœur à Saint-Jean-de-Bray l'année dernière. Le 18 mars aussi, on n'oublie pas les copains de Red Daff à Talcy. Ça se passera au Caisson, donc à Talcy, avec la chanteuse Vania Sky, et c'est à 21h. On continue dans le mois de mars, on ira le 25 mars de 9h à 18h. Ça se passera à Sambin dans le 41, rue de la Croix, avec un vide musique, vinyle, CD, accessoires de musique. Le 26 mars, ce sera du côté de Chargé, à côté d'Amboise, avec une brocante musicale également. Et puis sinon, le 1er avril, c'est le retour sur leur terre promise. Le groupe Lajari se produira à l'Alliage, à Olivet, et ce sera à 20h. Et là aussi, j'y serai, donc on pourra se voir et trinquer ensemble. Et enfin, le 15 avril, à l'Astrolabe, What the Punk, Comintern Sekten. Oh là, je reprends, Comintern Sect. Ça se passera à 20h30, bien sûr. On continue avec Yarol, parce que je ne pouvais pas le manquer ce soir. town, another clown, another clown. When he wakes up, you'll be gone. You'll never stop. You'll just move on. You gotta move on, black cat bone. You gotta move on, black cat bone. You gotta move on, black cat bone. You gotta move on, black cat bone. You gotta move on, black cat bone. You gotta move on, black cat bone. You gotta move on, black cat bone. You gotta move on, black cat bone. Black cat bone. Reprendre la main tranquillement avec une petite séquence émotion, je l'avais annoncé sur les réseaux. Vous savez qu'on a perdu François Hadji Lazaro le 25 février dernier à l'âge de 66 ans. Donc je voulais un peu lui rendre hommage ce soir dans Nirock parce qu'il avait monté plusieurs groupes et une maison de disques entre autres. Donc on l'a découvert dans Pigalle après sa participation dans le groupe folk Pénélope à la fin des années 70. François se lance en 82 avec le bassiste Daniel Aignan et monte le groupe Pigalle. On l'a vu aussi avec sa carrure un petit peu imposante, hein, assurer le service d'ordre de certains concerts à cette même époque-là, notamment dans les bars légendaires chez Jimmy ou l'Auvergne, qui étaient organisés par le groupe Les Baroques et où les Vampas avaient leurs habitudes, Manu Chao également. Et puis, suite à ça... Il a monté, en même temps qu'il jouait dans des petits rôles dans le cinéma, il a monté ensuite Les Garçons Bouchers en 86 avec la voix éraillée d'Eric Blitz au chant, avec qui François lance la société de production Boucherie Production pour autoproduire leur premier 45 tours. Et bien sûr, Boucherie Production prend de l'ampleur et se diversifie avec l'arrivée sur le label du fleuron du rock alternatif des années 80, comme les groupes Mano Negra, entre autres, Les Tétines Noires, voilà... Clarica, Les Belles Lurettes, voilà, tout ça, ça joue bien. Il y a Los Carrios également qui rejoint la Boucherie Production, groupe dans lequel François jouera, un groupe folk qui jouera à partir de 87. Mais voilà, après 7 ans d'activité et une centaine d'albums produits, les difficultés financières commencent à arriver en 95 et sont de plus en plus prégnantes, et la société doit déposer le bilan en 2001. Donc François Hadji Lazaro a eu d'autres projets solo, d'autres engagements. Hein. Il a beaucoup tourné entre les trois groupes, mais il se lance en solo avec François Destextes, Topor et le projet Essique. Parallèlement à sa carrière musicale, François Hadji Lazaro interprète des seconds rôles dans plusieurs films de réalisateurs connus, dont notamment Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet hein, dans La Cité des Enfants Perdus. Ainsi que quelques petits rôles, son physique paraissant souvent déterminant. Il participe aussi à un numéro spécial de Fluide Glacial. Voilà, ce qu'on peut dire, notamment de ses engagements politiques, c'est qu'il a soutenu le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, à sa création. Il s'engage même aux côtés du Front de Gauche aux élections européennes de 2009. Et c'est avec tristesse qu'on a appris le 25 février dernier, à l'âge de 66 ans, que François Agi Lázaro nous a quitté ce monde alors qu'il souffrait d'une septicémie. Voilà, donc pour lui rendre hommage, eh bien, je vous propose un titre des Garçons Bouchers. Et puis je voulais forcément, en son honneur, trinquer, bien sûr, une petite bière. Allez, on se retrouvera au fond de la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. François, ciao l'ami. Ciao, ciao. Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. Where I come from isn't all that great. My automobile is a piece of crap. My fashion sense is a little whack. And my friends are just as creepy as me. I didn't go to boarding schools. Preppy girls never looked at me. Why should they? I ain't nobody. Got nothing in my pocket.